Il est bienvenu à vous, un messager issu d'entre les vôtres, qui a de la compassion pour ceux que vous endurez, qui veille à vous faire parvenir le bienveillant et miséricordieux envers les croyants. Les frères de foi, aujourd'hui, si Dieu le veut, nous allons parler de notre maître et notre guide, de la cause de nos joies, de notre éminence, notre prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, celui au sujet duquel son Seigneur a dit ce qui signifie nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Mohammed, les cœurs s'attendrissent pour lui. Mohammed, les âmes se réjouissent grâce à lui. Mohammed, les yeux se mettent à briller pour lui. Au souvenir de Mohammed, se mettent à couler les larmes de ceux qui l'aiment. Comment n'en serait-il pas ainsi? Comment n'éprouverions-nous pas de la langueur et de la nostalgie pour celui pour qui le chameau a pleuré quand il l'a vu et à qui il s'est plaint du poids excessif de sa charge? Comment n'éprouverions-nous pas de langueur, de nostalgie pour celui pour qui le tronc de palmier sec a éclaté en sanglots lorsqu'il s'était séparé de lui? Comment n'éprouverions-nous pas de la langueur et de la nostalgie pour celui pour qui le tronc a gémi comme un enfant jusqu'à ce qu'il l'ait touché et serré dans ses bras sans mémoire? Le plus intelligent des gens fut bien Muhammad, le plus courageux des gens fut bien Muhammad, le plus équitable des gens fut bien Muhammad. Le plus modeste, le plus chaste des gens fut bien Muhammad. Le plus généreux des gens fut bien Muhammad. Le plus intelligent des gens fut bien Muhammad. Le plus pudique des gens fut bien Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Kana sallallahu alayhi wa sallam yakhsifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu wa ya'malu fi baytihi kama ya'malu ahadukum fi baytihi. وكان صلى الله عليه وسلم يعصب الحجر على بطنه من الجوع أي يضع الحجر أحيانا وكان يأكل ما حضر ولا يرد ما وجد صدق الله القائل وإنك لعلى خلق عظيم. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام réparait lui-même ses sandales, il recommandait lui-même ses vêtements, il accomplissait chez lui les tâches ménagères. Il lui est arrivé de presser une pierre contre son ventre à cause de la faim. Il mangeait ce qu'on lui présentait et il ne refusait pas ce qu'il trouvait. Allah est véridique, lui qui dit ce qui signifie tu as certes des caractères imminents. قال البراء رضي الله عنه ما سمعت احدا احسن صوتا منه وقال عليه الصلاه والسلام ما بعث الله نبيا الا حسن الوجه حسن الصوت وان نبيكم احسن وجها واحسن صوتا. Donc il était le prophète عليه الصلاه والسلام était le plus éloquent des gens dans son discours et le plus agréable des gens dans ses paroles. Sa parole était distincte au point que tous ceux qui l'écoutaient pouvaient la comprendre. Il avait, alayhi salatu wassalam, une voix haute, la plus belle intonation parmi les gens. Al-Bara a dit que Allah l'agré, je n'ai jamais entendu quelqu'un ayant une voix plus belle que la sienne. Et dans le hadith aussi, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit ce qui signifie Dieu a envoyé les prophètes, tous ayant un beau visage, une belle voix, et certes, votre prophète a une plus belle voix, et le plus beau visage, la plus belle voix d'entre eux. إخوة الإيمان كان سيدنا داود إذا سبح الله سبحت الجبال والطير معه بحسن صوته عليه الصلاة والسلام قال تعالى ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أولي معه والطير وألنا له الحديد والرسول أحسنه صوتا وأعطي سيدنا يوسف نصف الجمال الذي بين البشر فكان شديد الجمال قال تعالى لما رأينه أكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وإن نبيكم أحسن وجها وأحسن صوتا. Donc ainsi il est cité dans le Coran que Sayyidina Daoud il avait une très belle voix, et que donc, les oiseaux répétaient avec lui, après lui, parce qu'il avait tellement une belle voix. quand il faisait l'éloge de évoquait Dieu. Donc cela est cité dans le Coran. Et aussi Sayyidina Youssef, il lui a été accordé la moitié de la beauté existant chez les humains, c'est-à-dire qu'il était extrêmement beau. Allah Ta'ala a dit à son sujet ce qui signifie qu'elle baie, quand elles le virent, donc les femmes, quand elles le virent, elles furent stupéfaites d'admiration au point de s'entailler les mains. Elles avaient dit gloire à Dieu, ce n'est pas un homme, ce n'est qu'un ange honoré. Quant à le prophète Muhammad, il a dit ce qui signifie Allah n'a envoyé aucun prophète sans qu'il ait un beau visage, une belle voix, mais certes, votre prophète est celui d'entre eux qui a le plus beau visage et la plus belle voix d'entre eux. كان عليه الصلاة والسلام عظيم اللحية مقوس الحاجبين دقيقهما أسود العينين كحلهما ليس في بدنه شيء يعاب به معتدل الخلق عريض الصدر عظيم الرأس واسع الجبين مرتفع أعلى الأنف محدودب الوسط منه يعلو أول أنف نور ساطع مفلج الأسنان سهل الخدين أبيض الأسنان ليس بسمين ولا ناحل بل معتدل الخلق واسع الكف حسا ومعنى سريعة هيئة المشي واسع الخطوة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله ما أجمل ذاتك وأكمل صفاتك وأعظم فضلك على أمتك فداك يا سيدي النفس والمال والولد وصلى الله عليك في الآخرة والأولى. Donc il avait, alayhi salatu wa salam, une belle barbe, des sourcils arqués et fins, il avait des yeux noirs ornés de kohl, son corps ne comportait aucun défaut, il était de taille moyenne, sa poitrine était large, sa tête bien proportionnée avec un large front. Le haut de son nez était élevé et sa partie médiane légèrement bombée. De la naissance de son nez jaillissait une clarté resplendissante. Ses deux incisives supérieures étaient légèrement espacées. Il avait des joues douces et planes et des dents très blanches. Il n'était ni gras ni sec, mais de corpulence moyenne. Il avait les mains larges au sens propre comme au sens figuré. Il marchait à vive allure et d'un pas ample. C'est avec joie que les musulmans du monde entier commémorent la naissance du prophète, de la meilleure des créatures, notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce sera dimanche, Inch'Allah, 12 de Rabiul Awwal, et il y aura donc une célébration ici, Inch'Allah. هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى كل رسول أرسله أما بعد عباد الله فإني أوصيكم نفسي بتقوى الله العلي العظيم اتقوه وخافوه أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات ثم إن الله أمرك بأمر عظيم أمرك بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر لهم ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم في المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واتقوا يجعل لكم من أمركم مخرجا وأقيموا الصلاة. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.